franceinter.com. Diamants de sang, une expression créée pour qualifier ces diamants africains extraits à la sueur de travailleurs exploités et qui ont servi à financer des guerres civiles plus atroces les unes que les autres. Les diamants de sang, oui. Mais s'il existait aussi un cacao de sang. Le cacao, extraordinaire richesse d'un État comme la Côte d'Ivoire, dont c'est la principale ressource, pétrole excepté. Le cacao, objet de nombreuses convoitises, dont la vente alimente les trafics d'armes et concourt donc à perpétuer la division d'un pays déchiré. Un commerce obscur dont il ne fait pas bon essayer de percer les secrets. Le journaliste franco-canadien Guy-André Kiefer l'a sans doute payé de sa vie. Nous allons y revenir longuement avec Monsieur X. Mais d'autres personnes, fonctionnaires, enquêteurs internationaux ou experts, ont été menacées, parfois enlevées et battues. La semaine passée, mon interlocuteur a évoqué les événements sanglants de Côte d'Ivoire et le drame de Bouaké, le bombardement d'un camp de la force française d'interposition par un appareil des forces aériennes ivoiriennes où 9 soldats ont trouvé la mort. Une action militaire délibérée, contrairement aux affirmations des autorités ivoiriennes qui ont parlé de bavure. Aujourd'hui, alors qu'une élection présidentielle sans cesse reportée d'année en année depuis 2005 devrait enfin avoir lieu à la fin de ce mois, M. X a donc décidé d'ouvrir le dossier de la disparition en 2004 du journaliste Guy-André Kiefer. Un dossier embarrassant pour le président ivoirien Laurent Gbagbo et son entourage. Mais à Paris aussi, on ne semble guère désireux de voir aboutir une enquête qui risquerait d'envenimer les rapports déjà difficiles entre la France et son ancienne colonie. Toutefois, c'est sans compter avec un juge aussi obstiné que courageux. Azama Zogo. Je vous propose d'abord de voir les faits. Le 16 avril 2004, Guy-André Kiefer, GAC, comme on l'appelle familièrement, a rendez-vous en tout début d'après-midi sur un parking d'un supermarché d'Abidjan. Un rendez-vous professionnel ? Oui. Ouais, un peu bizarre, hein, comme lieu de rendez-vous. Enfin... C'est vrai, moi. Kéfer s'occupe généralement d'affaires sensibles. Et il a sans doute estimé que ce parking pouvait garantir à son interlocuteur une certaine discrétion. Mmh. Et cet interlocuteur ? On apprendra plus tard qu'il s'agit d'un nommé Michel Legré, un beau-frère de Simone Gbagbo. Mmh. L'épouse du président. Hein. Une femme dont vous m'avez dit la semaine dernière qu'elle avait une forte personnalité et une grande influence sur son mari. Et la politique de la Côte d'Ivoire. Simone, c'est une militante, une battante. Et dans la crise que connaît son pays, elle donne souvent de la voix. Et dans cette même crise qui secoue la Côte d'Ivoire, elle s'est toujours rangée dans le camp des durs. Assez faucon, la francophobe. Ah oui, très virulent. Et qu'attend alors, on revient à Kéfer, là, qu'attend Kéfer de son interlocuteur ? Legré, beau-frère de Simone Gbagbo, est forcément un proche du pouvoir. Et le journaliste espère sans doute obtenir de cet homme des renseignements de première main sur un sujet qui l'intéresse au plus haut point. Les filières du cacao. C'est un thème que nous avons abordé dans notre entretien de la semaine passée. Hein. Alors, un bref rappel. Le cacao, c'est à la fois la chance et la malchance de la Côte d'Ivoire. La chance parce que dans les trois décennies, ou presque, qui ont suivi l'indépendance du pays acquise en 1960, c'est grâce à cette ressource naturelle que la Côte d'Ivoire s'est modernisée et est même devenue un modèle de développement économique et de stabilité. Oui, c'était alors l'ère Houphouët-Boigny. Hein. Oui, mais ça s'est ensuite gâté. Avant même la mort d'Houphouët en 1993, les prix de la fève se sont alors effondrés. Et tous les mécanismes qui visaient à garantir ces prix, et donc à assurer des revenus constants aux agriculteurs, se sont écroulés. Et le reste a suivi. Bien entendu. Mmh. La dette du pays s'est accrue d'une façon vertigineuse, et le système politique qui était fermement verrouillé par Houphouët-Boigny a explosé à son tour. À tel point qu'en 2002, une rébellion nordiste a de fait divisé en deux le territoire ivoirien. La guerre civile, quoi. Et malgré une apparente réconciliation esquissée sous les auspices de la France en 2003, il est clair que l'hostilité entre les deux camps perdure et que le gouvernement du président Gbagbo aspire à réduire la rébellion. Par la force. Bien entendu. Ouais. Et je vous l'ai dit, et nous en venons directement à notre sujet, c'est avec l'argent du cacao que Gbagbo prépare sa revanche. De l'argent, quoi, détourné ? Qui échappe en tout cas aux instances officielles mises en place pour réguler les prix. Et c'est avec ce pactole que le pouvoir ivoirien va acheter quantité d'équipements militaires, par l'intermédiaire de cet ancien gendarme français devenu marchand d'armes. Robert Montoya. Et dans le lot, il y aura ces avions russes, dont l'un bombardera le camp français de Boaké. Enfin, n'y revenons pas. Ouais. Cependant, pour être tout à fait juste, hein, il faut dire que les rebelles aussi vont profiter de l'argent du cacao. C'est exact. Il taxe son commerce et surtout, il se débrouille pour l'exporter par l'intermédiaire des pays voisins. Ouais, autant de richesses et d'impôts qui échappent à l'État ivoirien. Donc, à Abidjan comme à Boaké, l'une des villes détenues par les rebelles nordistes, l'argent du cacao emprunte des circuits très obscurs. Et en Côte d'Ivoire, ça n'est pas nouveau. Au début de cette décennie, avant même le début de la guerre civile, un inspecteur d'État ivoirien, François Coudiot, enquête sur les filières du cacao. Une initiative personnelle ? Ah, pas du tout. Se trouve en service commandé. Et ce haut fonctionnaire prend sa mission très au sérieux. Dans le rapport qu'il transmet à ses supérieurs en 2002, il met en lumière le pillage qui sévit dans le secteur et de considérables détournements au bénéfice de certaines autorités ivoiriennes. Conséquence de ce rapport ? Aucune. Ah bon ? Le rapport est donc destiné à être étouffé ? C'est certain. Il y a des fuites dans la presse. Coudiot lui-même, non ? Irrité de voir qu'on n'exploite pas son travail, afin peut-être de mettre fin aux errements qu'il a découverts ? C'est possible, mais enfin ça, je n'en sais rien. En tout cas, le haut fonctionnaire est enlevé, battu et laissé pratiquement pour mort. Puis enfin, sorti d'affaires, il a été licencié. Terrorisé, il a quitté son pays et aujourd'hui, il vit comme un reclus à Paris. Mmh. Bah, il a mis le pied dans la fourmilière. Hein. Et il ne s'en est sorti que de justesse. Mmh. Et Guy André Kieffer, alors, lui aussi, enquêté sur la filière cacao. Oui. Ouais. Mais sait-il que c'est risqué ? Bien sûr que oui. La grave mésaventure survenue à ce haut fonctionnaire ivoirien n'a pas pu lui échapper. Mais Kieffer, parce qu'il est journaliste et qu'il n'est pas ivoirien, se sent peut-être relativement à l'abri. En tout cas, Cet enquêteur spécialisé dans les affaires économiques a la réputation d'être un véritable fouineur. En fait, là, pour quel organe de presse travaille-t-il ? Il écrit principalement pour le quotidien La Tribune et une publication consacrée à l'Afrique, La Lettre du Continent. Ah, c'est une publication généralement très bien informée. En outre, sous divers pseudonymes, Kéfer écrit pour des feuilles locales. Il ne s'intéresse pas qu'à la filière cacao. Ainsi, il a mis son nez dans une étrange affaire financière impliquant la Guinée-Bissau. J'ajoute qu'en dehors de ses travaux purement journalistiques, Kéfer a pris des congés sabbatiques et offert ses talents de spécialiste à un cabinet d'expertise dirigé par des Français. Je mentionne ce détail parce que plus tard, les autorités judiciaires ivoiriennes s'en serviront pour tenter une opération de diversion. C'est-à-dire Selon ces autorités, Kéfer aurait été victime d'un règlement de compte interne. Ah oui, au sein de ce cabinet d'expertise. Oui, car il y aurait découvert des activités illégales. Et à l'occasion, on l'accusera aussi de dissimuler des manœuvres d'espionnage sous ses travaux journalistiques. Ouais. Et la vérité ? Kéfer n'a jamais été un agent de renseignement. Mais quand l'incendie menace, tout est bon pour ouvrir des contre-feux. Alors, revenons aux faits. Ce 16 avril 2004, Gac a donc rendez-vous avec Michel Legris. Ouais, le beau-frère de Simone Gbagbo, rappelons-le. Hein. Et ni ses proches, ni ses collègues ne le reverront vivant. Alors, à quoi pense-t-on d'abord ? Un enlèvement. À Abidjan sévissent alors des escadrons de la mort qui sont au service du pouvoir et sont chargés de réduire au silence les opposants. C'est pourquoi, une dizaine de jours après la disparition du journaliste, la famille de Guy André porte plainte contre X pour enlèvement et séquestration. Une plainte déposée à Paris. À Paris. Et en Côte d'Ivoire, alors ? La justice n'a encore ouvert aucune enquête et ne le fera qu'au bout de 40 jours. Au début du mois de mai, la voiture de Kéfer est découverte sur un parking de l'aéroport d'Abidjan. Ouais. On a peut-être voulu faire croire à son départ de Côte d'Ivoire. En tout cas, ça y ressemble. Entre nous, ça arrangerait beaucoup de monde en Côte d'Ivoire que cette piste soit avérée. D'ailleurs, en 2008, le procureur général ivoirien reprendra cette thèse à son compte en laissant entendre que Kéfer est sans doute toujours vivant. Et c'est vrai que tant qu'on n'a pas retrouvé son cadavre... C'est pourquoi la famille et le juge d'instruction français chargé de l'affaire sont si attachés à découvrir l'endroit où la dépouille du journaliste a été dissimulée. Oui, car eux, ils ne croient pas que Kéfer soit encore vivant. Bien évidemment. Et ils ont de bonnes raisons de penser que Kéfer a été tué. C'est ce que démontre l'enquête du juge. Alors justement, ce juge-là. Il s'appelle Patrick Ramael. Mm-hmm. Un petit juge, comme on dit un peu péjorativement, lorsqu'un magistrat demeurait jusque-là dans l'ombre, se montre particulièrement pugnace. Et n'hésite pas à affronter les puissants et même à défier la raison d'État. Rendez-vous avec X. Qui était vraiment Guy André Kéfer ? Gac, comme l'appelaient ses amis. Le directeur du Monde, Éric Fotorino, l'a bien connu. En mai 2005, il embrosse le portrait suivant. Franco-canadien, comme le qualifient à présent les dépêches d'agence, Guy André était pour nous un gars du Manitoba, comme il le soulignait lui-même. Au début, par ignorance et incrédulité, on supposait qu'il se payait notre pipe. C'était où, ça, le Manitoba ? Pourtant, il était bien originaire de ces lointains-là, Gac. On l'appelait par ses trois initiales accolées, Gac. On ne savait pas grand-chose de lui, sauf qu'il avait le cœur fragile. Il ne lui fallait pas trop d'émotion. Et s'il parlait un peu de ses voyages, de ses découvertes, de ses intuitions journalistiques, c'était avec le rouge aux joues d'un gamin pris les doigts dans la confiture. Ce n'est pas insulter le souvenir que de le rappeler. Sa pratique de notre métier n'était pas des plus orthodoxes. De quelques informations recueillies par ses soins auprès de sources qu'il protégeait jalousement, il échafaudait un monde incertain et parfois inquiétant, fait de complots et de coups tordus. Il provoquait volontiers, il mettait à mal nos certitudes, nous forçait à éprouver nos propres convictions. Avant d'examiner plus précisément l'action du juge Ramael, il faut dire que très vite, c'est le frère de Guy André, Bernard, qui a réagi. Et d'abord en se rendant en Côte d'Ivoire. Les deux frères étaient liés ? Certainement, même s'ils se voyaient peu. Bernard ne savait pas exactement ce que faisait son frère. Pour lui, Guy André était un globe-trotter épris de justice, un militant tiers-mondiste en somme. Ouais, il y avait du vrai là-dessus ? Oh, incontestablement, quoi qu'il en soit. Bernard est bien décidé à découvrir la vérité sur la disparition de son frère. Et il ne tarde pas à apprendre que Guy André gênait. Expliquez-moi ça. Abidjan, autant dans les milieux officiels ivoiriens que dans la colonie française, il avait une réputation, enfin, pardonnez-moi l'expression, de fouille-merde. Deuxième information recueillie par Bernard, un soir à Abidjan, un inconnu l'aborde et lui glisse dans l'oreille que son frère a été enlevé par des proches de Boumboiré. Qui est-ce ? Le ministre ivoirien de l'économie. Enfin, en fouillant les affaires de son frère, Bernard Kéfer se rend compte que Guy André avait mis son nez dans un certain nombre d'affaires douteuses impliquant le sommet de l'État ivoirien. Il n'est ni journaliste ni policier, il ne peut aller plus loin. Cependant, point important, on lui confie aussi qu'avant sa disparition, GAC a fait l'objet de nombreuses menaces. Mais pour aller plus loin, il doit donc s'en remettre à l'enquête de la justice. Le juge Ramael, qui instruit la plainte déposée par la famille de Guy-André Kéfer, se rend en Côte d'Ivoire assez rapidement. Avec l'accord des autorités ivoiriennes ? Naturellement. Et là-bas, il va travailler avec un magistrat ivoirien. Notez bien que ce magistrat obstiné se rendra plus de 10 fois en Côte d'Ivoire. Alors, par où commence le juge Ramael ? Il auditionne en priorité Michel Legré, qui est en principe le dernier témoin à avoir vu Kéfer vivant. Legré a donc reconnu de l'avoir rencontré. Il s'en est jamais caché. Avant même la venue en Côte d'Ivoire du juge français. Le juge interroge donc Legré et en même temps il fait procéder à une perquisition de son domicile. Ici je ne vais pas rentrer dans le détail d'une instruction particulièrement touffue, mais vous donnez simplement les grandes lignes sans toujours respecter une stricte chronologie, si vous permettez. Cette perquisition d'abord, elle se révèle très fructueuse. Que trouve-t-on alors ? Deux objets très intéressants. Le téléphone mobile et l'ordinateur portable du journaliste. Ça ne doit pas arranger les affaires de ce Legré, là. C'est évident. Legré est forcément impliqué dans la disparition de Kéfer. Mais quel a été son rôle exact ? A-t-il seulement servi à attirer le journaliste dans un guet-apens ou a-t-il pris une part plus active ? Pour répondre à ces questions, le juge français va diligenter deux enquêtes techniques. Premièrement, il fait expertiser l'ordinateur. Et en fouillant le disque dur, les techniciens découvrent que quelqu'un s'est servi de l'appareil quelques minutes seulement après le fameux rendez-vous entre Legré et Kéfer. C'est intéressant ça. Et les conclusions alors ? L'ordinateur, comme on dit, a été planté après une erreur de manipulation. L'ordinateur planté, donc ce n'est pas Kéfer lui-même qui l'a utilisé. Ou alors il l'a planté lui-même pour ne pas que les gens qui l'avaient enlevé découvrent ce qui se trouvait dans l'appareil. Mais peu importe. Le juge a désormais la preuve que l'enlèvement a eu lieu très vite après le rendez-vous sur le parking. Et sans doute en présence de Legré. C'est probable. Autre investigation technique très prometteuse. Le juge Ramael fait saisir les listings téléphoniques des appels passés autour de la date du 16 avril 2004. Et les autorités ivoiriennes acceptent ? Oui, sans doute parce qu'elles n'ont pas saisi là où le juge voulait en venir en usant de ce procédé parfaitement inhabituel et inédit en Côte d'Ivoire. Et qu'a-t-il trouvé alors ? Plusieurs indices très intéressants. Par exemple, il découvre que Michel Legré, qui téléphonait très souvent à Guy-André Kéfer, n'appelle plus son téléphone portable à partir du 16 avril. Comme s'il savait que que ces appels n'aboutiraient plus jamais. Bah, enfin, il établit que tout de suite après le rendez-vous du parking, Legré a appelé le directeur de cabinet du ministre de l'économie. Ah, ça c'est troublant quand on se rappelle ce qu'a confié au frère de Guy André un mystérieux témoin impliquant ce ministre, Boisbré, c'est ça? Oui, un dirigeant appartenant au premier cercle du pouvoir, forcément. Et bien placé pour connaître en particulier beaucoup de secrets, y compris ceux touchant la filière du cacao. Bien entendu. Enfin, je poursuis. En possession de tous ces indices concordants, le juge français, toujours assisté d'un magistrat ivoirien, entend donc très longuement, une journée entière, le beau-frère de Simone Gbagbo. Et il ne le ménage pas? Non, il le presse de questions. Mais il n'use pas d'autres méthodes de rétorsion, si c'est ce que vous voulez insinuer. Je n'insinue rien, moi. Bon, je préfère. En tout cas, ce long interrogatoire donne des résultats. Legré craque et donne des noms, beaucoup de noms. Mais les noms de ceux qui ont pris part à l'enlèvement? Oui, et aussi de tous ceux, selon lui, qui ont été impliqués à un titre ou à un autre. Et pour revenir à votre question précédente, le lendemain matin, comparaissant à nouveau devant le juge d'instruction en présence de son avocat, Legré réitérera librement ses déclarations. Alors, c'est important, mais qui sont les mises en cause? Tous, des proches du pouvoir et de la présidence ivoirienne. Ce directeur de cabinet du ministre de l'économie, auquel Legré a immédiatement téléphoné après l'enlèvement. Mais il parlera aussi du ministre qui, le soir même, lui aurait remis une importante somme d'argent en liquide. Une récompense pour service rendu. En tous les cas, il est tentant de le penser. Et parmi les autres noms évoqués, on trouve Moïse Coré, un pasteur pentecôtiste qui a converti Laurent et Simone Gbagbo, mais qui, selon certaines sources, jouerait aussi un rôle actif dans les achats d'armes. Un pasteur, ouais, enfin bon. De toute façon. Il est aussi le propre chef de la sécurité de Simone. Un homme soupçonné d'avoir orchestré l'action des escadrons de la mort, créé au début des années 2000. Du beau monde, et d'autres noms encore? Oui, tous des proches du pouvoir. Mais dans cette liste, il n'est fait nulle mention de ceux qui ont procédé physiquement à l'enlèvement. Et ça s'explique aisément. Ça fait partie du système de défense de Legré. S'il admet avoir servi de leurre pour attirer Kéfer sur le parking, il dit qu'il ignore complètement ce qui est arrivé ensuite. Et donc, quels sont les éventuels hommes de main qui ont enlevé puis séquestré le journaliste? C'est pas très crédible, hein. Enfin, passons au moins provisoirement. En tout cas, avec ces déclarations-là, le juge Ramael en a assez pour le mettre en examen. Ah, c'est certain. Mais en l'occurrence, c'est la justice ivoirienne qui est la plus prompte. Et ce n'est pas tout à fait innocent. Sur un ordre qui viendrait directement de Simone Gbagbo, Legré est arrêté, inculpé, à la fois d'assassinat et de diffamation, et incarcéré à la prison d'Abidjan. Oui, parce qu'on trouve, en Côte d'Ivoire, qu'il a trop parlé. Ah ben ça, c'est vous qui le dites. En tout cas, il faut observer que le juge d'instruction français n'aura plus jamais l'occasion d'interroger ce Legré. Il en sera de même pour de nombreux témoins que va dénicher le magistrat. Le meilleur moyen de les empêcher de lui parler, c'est de les incarcérer. Ça signifie donc que les autorités ivoiriennes, après avoir manifesté un relatif désir de coopérer avec la justice française, vont désormais s'employer à paralyser l'action de Patrick Ramael. Mais comment alors? Eh bien, le magistrat aurait voulu entendre personnellement tous les gens mis en cause par les premières déclarations de Legré, mais il ne recevra jamais l'autorisation de les auditionner en Côte d'Ivoire. Oui. Et qu'est-il devenu, là, ce Legré? Après avoir passé quelques mois en prison, il est remis en liberté provisoire. Et il y est toujours, d'ailleurs. Mais auparavant, il s'est rétracté et a même accusé le juge français de l'avoir fait parler sous la contrainte. On a vu ce qu'il en était. Et c'est un coup dur pour le magistrat, car c'est tout un pan de son enquête qui s'écroule. Certes, mais le juge est bien décidé à poursuivre ses investigations. Il lance, par exemple, une demande d'aide judiciaire en Suisse, afin de vérifier si le ministre ivoirien n'y aurait pas quelques comptes numérotés. Le ministre de l'économie, hein? Oui. Et lors d'un passage en France d'un proche collaborateur de ce ministre, il ordonne même une garde à vue. Mais ces actes judiciaires ne se sont pas révélés probants. Et c'est d'un tout autre côté que le magistrat va enfin approcher d'un peu plus près la vérité. Une piste très sérieuse, mais nullement contradictoire avec les premiers aveux de Legré. Thank you. France Inter, Patrick Penaud, rendez-vous avec X. En mai 2004, alors que l'enquête du juge Ramel l'a déjà conduit à entendre longuement Michel Legré, le journal Libération titre « L'enquête sur Kéfer mène à l'entourage de Gbagbo, Abidjan bloque le travail d'un juge français ». Et l'auteur de cet article, Thomas Hoffnung, revenant sur la liste des personnages compromis selon Legré, écrit ceci. Pour les détracteurs du chef de l'État ivoirien, la liste du juge Ramel, établie sur la foi de ce témoignage, est pain béni. Personnage interlope, jouant visiblement les intermédiaires entre Kéfer et le pouvoir, Legré n'aurait-il pas tenté de manipuler le magistrat? C'est possible, mais le seul moyen de confirmer ou d'infirmer ces déclarations aurait été de pouvoir entendre ces personnes à Abidjan, répond une source proche de l'enquête. Dans une lettre datée du 21 mai et adressée au procureur d'Abidjan, le magistrat français se plaint du blocage total dans ses investigations. Il a regagné Paris lundi, mais s'apprête, sans illusion, à convoquer ses responsables à Paris à des fins d'audition. Alors, quelle est cette autre piste ? C'est celle d'un capitaine de l'armée ivoirienne, un certain Jean-Tony Oulaye. Dès le mois de mai 2004, cet officier aurait été mis en cause par l'un de ses subordonnés nommé Germain Gbagbo, et de façon très précise. Et ici, il faut observer que ce Gbagbo, qui va se révéler très bavard, a été interpellé par la police ivoirienne. Et donc pas à l'initiative du juge français. Alors ce type raconte qu'il faisait partie de la garde rapprochée du capitaine Oulaye, celui-ci étant le chef du commando qui a séquestré Guy-André Kéfer. Mais qui ne serait pas directement responsable de l'enlèvement ? C'est ça. Les hommes d'Oulaye seraient intervenus après le kidnapping de la façon suivante. Le 16 avril 2004, vers 21h30, le commando composé de 5 hommes arrive à bord de 2 voitures, une patrouille et une Datsun, au pied d'une résidence située sur le plateau à Abidjan. Là, ils montent à l'étage et s'emparent d'un blanc. Puis ils repartent avec lui vers la résidence personnelle du capitaine, gardée par plusieurs militaires lourdement armés. Je rappelle que c'est toujours la déposition de ce garde du corps, là. Gbagbo, oui. Il donne exactement les noms et même les surnoms des hommes qui ont agi avec lui. Le blanc, bon, mais vous avez compris qu'il s'agissait de Kéfer, est conduit dans une chambre. Menotté, il est torturé et malmené à de nombreuses reprises jusqu'au 18 avril. Pendant 2 jours. Puis ce 18 avril, à la nuit tombée, le commando est reparti avec le prisonnier sur l'autoroute du Nord en direction de Yamoussoukro. 10 kilomètres avant d'arriver à la capitale administrative, Oulaye fait arrêter le convoi. Et il est reparti en voiture seul avec le blanc. Peu de temps après, il est revenu. Mais le blanc, lui, n'était plus dans le véhicule. Et le commando est reparti vers Abidjan. On peut donc imaginer que ce capitaine Oulaye a exécuté son prisonnier quand il était seul. Oh, c'est vraisemblable. Ouais. Ce témoignage est quand même troublant de précision. Oui, mais son auteur incarcéré aurait ensuite disparu lors d'une évasion collective intervenue à la prison d'Abidjan lors des violents événements de novembre 2004. Et depuis, aucune nouvelle. Ah oui, il s'est évanoui dans la nature. Alors. Apparemment. Mais avant de disparaître, il se serait rétracté. Lui aussi. Oui. En témoignant ainsi, il aurait voulu, a-t-il déclaré, faire une farce à son capitaine. Une farce, ça ne tient pas là. Ah, aussi, quand en 2006, le juge Ramel apprend que ce fameux capitaine Toulay se trouve en France, il le fait immédiatement appréhender. Ouais. Et pourquoi alors ce capitaine là est-il venu en France ? Il serait alors en délicatesse avec les autorités de son pays. Quoi qu'il en soit, il comparaît donc devant le juge d'instruction, mais il ne lâche rien. Et le magistrat doit le remettre en liberté. Toutefois, Jean-Tony Oulaye est astreint à un contrôle judiciaire et il lui est interdit de quitter la France. Et la suite alors ? En mettant bout à bout les éléments qu'il a recueillis, le juge Ramel estime avoir réussi à identifier plus d'une quinzaine de personnes ayant joué un rôle dans la disparition du journaliste. Il décide donc de retourner en Côte d'Ivoire afin de procéder à de nouvelles auditions. Et il apprend à l'occasion que certains de ces hommes, souvent d'anciens miliciens, On rejoint les forces armées de Côte d'Ivoire. Dans ce cas, il me paraît difficile que Ramael puisse les auditionner. Ça paraît évident. Ouais. Ouais. Donc, nouveau coup d'épée dans l'eau. Oui, mais ni le juge ni la famille de Kéfer, soutenus par un comité de soutien très actif, n'entendent renoncer. Et ils profitent de l'élection présidentielle pour se manifester. L'élection présidentielle en France, hein? Oui. Ils se manifestent quoi, auprès des candidats? Bien sûr. Et le président élu, Nicolas Sarkozy, reçoit la famille au mois d'août 2007. Il promet de tout mettre en œuvre pour que la disparition de Kéfer soit élucidée. Il déclare en particulier que les relations franco-ivoiriennes ne seront pas normalisées tant que la vérité n'aura pas éclaté. Ouais. Alors, il est donc prêt à faire pression sur le gouvernement ivoirien? C'est ce qu'il dit, en tout cas. Et très peu de temps après, sans qu'il y ait un rapport avec la visite de la famille Kéfer à l'Élysée, un nouveau témoin apparaît. Alors, qui? Un nommé Sédou Berté. Interviewé par le grand reporter de France 3, Joseph Tual, cet homme, qui vit désormais en France, affirme avoir été le chauffeur du commando qui a enlevé Gac. Mieux, il déclare qu'il a été le témoin oculaire de l'assassinat du journaliste. Et il met en cause directement Simone Gbagbo, ce qui, vous le pensez bien, va déclencher une véritable tempête de protestations à Abidjan. Et j'imagine que ce témoin va être entendu par le juge Ramel. Bien entendu. Est-ce que son récit corrobore plus ou moins ce premier témoignage qui évoquait le rôle du capitaine Oulaye? Un peu, car Berté Sédou implique lui aussi le capitaine en tant que chef du commando. Cependant, il diverge sur quelques points essentiels. Alors voilà ce qu'il raconte. Le journaliste a bien été enlevé sur les lieux de son rendez-vous avec Legret. Oui, donc sur le parking de ce supermarché, là. Oui. Hein. Ensuite, il aurait été emmené dans les sous-sols de la présidence ivoirienne. La présidence. Oui. Hein. Puis le commando dirigé par Oulaye l'aurait conduit dans un camp militaire. Là, sans doute pour l'effrayer et le faire parler, le capitaine aurait tiré un coup de feu en l'air. Mais l'un des membres du commando aurait interprété ce geste comme le signal de la mise à mort. Et il aurait fait feu à son tour, logeant deux balles dans le dos du journaliste. Ah, et le tuant, donc. Ce serait donc, comment dire, une sorte de bavure? Et notez bien que ce témoignage de Berté Sédou sera confirmé dans les mêmes termes 2 ans plus tard par un autre militaire, Alain Gossé, ancien membre de la sécurité présidentielle. Et lui aussi parlera de mort accidentelle? Exactement. Mmh. En tout cas, après avoir recueilli le témoignage de ce Berté Sédou, le juge d'instruction se retourne forcément vers le capitaine Oulaye. Et comme ce dernier n'a pas respecté scrupuleusement son contrôle judiciaire, il le fait à nouveau incarcérer. Oui, mais est-ce que pour autant le capitaine commence à passer aux aveux? Pas du tout. Il reste muet comme une carpe. Et vous le savez peut-être, le juge Ramael sera obligé de le placer en liberté provisoire en 2010 pour des raisons purement juridiques. Car s'il avait prolongé sa détention provisoire, il aurait été obligé de boucler son dossier. Ah oui, et donc de renoncer à prolonger ses investigations. En effet. Or, le juge d'instruction ne désespère pas d'obtenir un jour des résultats. Ouais, mais pour l'instant, il ne dispose que de présomption de culpabilité. C'est juste. Mais il n'a pas l'intention de céder. Et il va le prouver à de maintes reprises. Pour la première fois dans l'histoire de la République, il a par exemple opéré une perquisition à l'Élysée. À l'Élysée, mais pour quelle raison? Il voulait éventuellement découvrir des documents intéressants dans les bureaux des conseillers élyséens chargés des affaires africaines. Ouais, et le résultat? Il n'a rien trouvé. Autre manifestation de sa détermination, il a, contre toute attente, réussi à entendre officiellement Simone Gbagbo. Mais pas dans son cabinet à Paris, quand même. Il aurait certainement préféré, mais il a dû plier devant quelques caprices de la bouillonnante présidente ivoirienne et cette audition en bonne et due forme s'est déroulée à Abidjan, dans les locaux de la Cour constitutionnelle. Et là encore le résultat? Simone Gbagbo, qui menace de plainte en diffamation tous ceux qui écornent sa réputation, n'a bien sûr rien lâché. Enfin, peu importe. Le magistrat français a marqué un point. Et dans les jours prochains, il pourrait bien sortir un nouveau lapin de son chapeau. Enfin, n'allons pas trop vite. Toutes ces audacieuses initiatives n'ont rien fait pour améliorer ses rapports avec sa hiérarchie et le pouvoir politique. En France? Oui, le président Sarkozy a beau avoir promis de faire l'impossible pour élucider le mystère de la disparition de Guy-André Kéfer, il s'est dit aussi qu'il existait des intérêts supérieurs qui commandaient qu'on ne se fâche pas avec les dirigeants ivoiriens. Des intérêts commerciaux, par exemple? Entre autres, oui. Après avoir conspué la France-Afrique, le président est prudemment rentré dans les rangs. Et aujourd'hui, l'un des principaux conseillers de l'Élysée en matière africaine est l'un des piliers historiques de la France-Afrique, l'avocat Robert Bourgi. Par conséquent, le juge Ramael n'est plus vraiment persona grata à l'Élysée. Surtout, j'imagine, après la perquisition qu'il y a conduite. Hein. Évidemment. Mais Ramael est aussi en charge d'un autre dossier explosif, l'affaire Benbarka. Et en délivrant des mandats d'arrêt contre quelques personnalités marocaines au moment où Sarkozy effectuait une visite officielle au Maroc, il a vivement irrité le pouvoir. Mais alors, comment ce mécontentement présidentiel s'est-il traduit ? Autrefois, lors de chacun de ses déplacements en Côte d'Ivoire, le magistrat était accompagné de policiers français. Mais d'un jour à l'autre, cette assistance lui a été refusée. En outre, l'accueil que lui réserve là-bas l'ambassade française est rien moins que fraîche. Alors, dans ces conditions, est-il encore possible d'imaginer qu'il aboutira un jour ? Peut-être, car il dispose d'une autre carte dans sa manche. Mais quoi alors ? Je vous raconte. Toujours en 2004, au mois de novembre... C'est-à-dire en pleine crise franco-ivoirienne. Oui, donc un avocat français, Xavier Guelbert, missionné par la présidence ivoirienne, mais financé par l'Union européenne, pour enquêter sur la filière du cacao, a été enlevé en pleine nuit par des hommes armés. Où se trouvait-il ? Dans sa chambre d'hôtel. En Côte d'Ivoire ? Oui, mais il y a eu un cafouillage. Et le chef du commando, en le menaçant de son arme, s'est tiré une balle dans le genou. Ensuite, l'avocat a été emmené manu militari jusque dans un endroit qui semble bien avoir été la résidence présidentielle. Puis l'affaire étant quelque peu embarrassante, surtout après la bévue du chef, Guelbert a été remis à la gendarmerie et libéré. Eh ben, il a échappé belle, hein ? Ah oui, parce que ça ressemblait à une réédition de l'enlèvement de Kéfer. Et ce qui est important, c'est que l'avocat, qui connaît bien la Côte d'Ivoire, a déclaré que ses ravisseurs étaient des membres de la garde présidentielle. Et puis, lui, il est vivant et il peut donc témoigner. J'ajoute que ces membres de la garde présidentielle, bien identifiés, ont commis une autre bévue. Quoi, là ? Bah, ils ont téléphoné à leur chef en utilisant le téléphone qu'ils ont volé à Guelbert. Celui-ci a donc porté plainte, une plainte instruite par le juge Ramael. Oui, alors celui-ci pourrait peut-être se servir de cette deuxième affaire pour inquiéter le pouvoir et le président Gbagbo ? Pourquoi pas ? Et par ce biais, le magistrat français pourrait bien conduire les autorités ivoiriennes à soulever un coin du voile qui dissimule toujours la vérité dans le dossier Kéfer. Mais par la bande, donc. Si vous voulez. Et grâce à ce nouveau dossier, sans doute, apprendra-t-on un jour que le vrai mobile de l'assassinat de Kéfer se trouvait dans l'argent détourné de la filière du cacao. Mais aussi dans le fait que certaines sommes servaient également à financer des partis politiques bien français. Et puis, qui sait, l'élection présidentielle qui devrait enfin avoir lieu la semaine prochaine aidera peut-être à la manifestation de la vérité. Parce qu'en cas de changement de pouvoir en Côte d'Ivoire, certaines langues pourraient se délier ? Bah, ça n'est pas impossible, à condition bien sûr que le scrutin soit sincère. Une dernière minute, si je puis dire, une enquête administrative a été diligentée récemment contre le juge Ramael. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission, la podcaster. Et je vous rappelle aussi que Rebecca Denance a préparé cette émission, Michel Billou l'a réalisée et Monsieur Djoub y a ajouté sa musique.